Bienvenue dans ce 10e numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de Loser de Beck. Beck, de son vrai nom Beck David Campbell, est né en 1970 à Los Angeles. C'est un auteur, compositeur, interprète, producteur, multi-instrumentaliste, multi-style. Lilou Dallas Multipass. Merci Lilou. Il vient d'une famille d'artistes. David Campbell, son père, est compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Il a notamment bossé avec Metallica, Kiss, Marvin Gaye, Adele, bien d'autres. Sa mère, Bibe Hansen, d'origine suédoise, c'est une égérie d'Andy Warhol. Elle est actrice, chanteuse, fondatrice du groupe punk Black Flag, et aussi danseuse pour le Velvet Underground. Son grand-père maternel, Al Hansen, est lui aussi un artiste, et il fait du collage. C'est un pionnier du mouvement Fluxus, un mouvement artistique dont le but est de supprimer toute frontière entre l'art et la vie. Pour résumer très vite fait, tout est art. J'adore l'abstrait! Ses parents se séparent et Beck est baladé entre toutes ces personnes et il s'imprègne de ses différents univers artistiques. Durant son adolescence, il est baigné dans la musique rock des Sonic Youth, des Pussy Galore. Il découvre aussi le bluesman Mississippi John Hurt. Et en étant à Los Angeles, il a aussi une grosse influence latine et hip-hop. Il commence à mélanger un peu toutes ses influences dans ses propres compositions. Il quitte l'école vers 15 ans et voyage, notamment en Europe, où il rejoint son grand-père Al en Allemagne. En 1989, il part vivre du côté de New York. Enfin vivre. Il part galérer sur la côte est, quoi. Il arrive au moment de la montée de la scène punk anti-folk, et c'est un mouvement fait pour lui, mais il a juste une guitare acoustique, du coup, c'est pas évident. Bon, il s'impose quand même et reste pendant une année, mais bon, à court d'argent et d'amis qui veulent bien l'héberger, il retourne à Los Angeles. Bon, je suis viré si je comprends bien. Et tu viens plus me faire chier. Il recommence à enchaîner les petits boulots et se produit dans les cafés, dans les bars de la scène underground. Bon, c'est toujours compliqué, on lui donne à peine 2 minutes pour chanter, des fois il y a juste des mecs bourrés qui se foutent de lui, d'autres fois quasi tous les spectateurs ignorent ses prestations. Mais il se décourage pas, il en profite même pour chanter des trucs complètement débiles qui veulent pas dire grand chose, juste pour voir qui écoute. Et tout ça, ça finit par payer. Il tape dans l'œil du producteur Rob Schnapp, du label Bungload Custom Records. Et grâce à lui, il rencontre Carl Stephenson, un producteur de hip-hop. Bon là, on est en 92 et c'est là que le titre Loser va naître. La légende veut que le morceau ait été entièrement composé en 6 heures. Bon, Beck va chez Stephenson avec plusieurs morceaux, dont l'ébauche du futur Loser. Ils écoutent ça et Carl apprécie, mais il est pas du tout impressionné par les talents de rappeur de Beck. Mais bon, il sent qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Alors il récupère un extrait de guitare d'un morceau, le fait tourner en boucle, ajoute de la batterie, de la sitar, divers samples. Bon, pendant ce temps-là, Beck il est mal. Il se trouve nul et il se dit que c'est le pire rappeur du monde, c'est juste un loser et il se met à improviser des paroles. En imitant le rappeur de Public Enemy, Chuck D, et là, ça fonctionne. I'm a loser baby, so why don't you kill me? Le reste des paroles est aussi improvisé, ce qui donne des choses assez abstraites. Ça parle de singes, de drogués aux yeux de plastique, de sa copine qui bronze au soleil pendant que lui, il se caille à New York. De suicide, tout ça sur un ton désabusé. Ça va d'ailleurs lui jouer des tours car cette chanson va devenir un peu l'emblème de la génération X. Un slack anthem, comme ils disent. Un hymne de paresseux. Et ça, il le refuse, car vu comment il a bossé pour réussir, il accepte pas du tout d'être associé à ce terme-là. Beck dira plus tard qu'avec le recul, il aurait aimé écrire quelque chose de plus poussé, de plus intéressant. Mais bon, ça aura peut-être pas eu le même impact. Hein. La chanson sort une première fois en 1993 sur un vinyle limité à 500 exemplaires. Elle fait son chemin sur les radios locales, puis régionales, puis nationales. De grandes maisons de disques s'intéressent à lui, et le morceau ressort en 1994 sur l'album Milo Gold. Elle squatte le haut des charts du monde entier et la carrière de Beck est véritablement lancée. On a donc droit à plein de reprises. Allez, donne un coup de poing, toi, toi. On va commencer avec The Cleverleys, un groupe familial qui vient de l'Arkansas, et c'est de la country. So young perdido, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? In the time of chimpanzees, it was the monkey butane in my veins. So I'm out to cut the junkie with the plastic eyeballs and spray painted vegetables, dog food and stalls and beefcake and pantyhose. So kill the headlights, put it in neutral, stock car flaming with that loser and cruise control. Baby's in Reno with her vitamin D, she got a couple of couches, I sleep on her love seat. Someone says I'm insane to complain about the shotgun wetting and the stain on my shirt. You can't believe everything that you breathe, they get a parking violation and a maggot on your sleeve, yo. Cut it. So with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and the other's got a flag. One's on the Porsche, the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of a folk singer slob. Well, he hung himself with his guitar string, he slapped the turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. You can't ride if you can't relate, trade the cash for the beef and the body for the hate, and my time is a piece of whack that's falling on a term by the shogun all a splinter. Yo, cut it. So you kill me, so imperdido, I'm a loser, baby, so why don't you kill me crazy with a cheese whiz? Yo, bring it on down. So I'm a driver, I'm a winner, things are gonna change, I can feel it. So imperdido, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? I can't believe it. So imperdido, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Spankin's a dodge, baby. So so why don't you kill me? On continue avec une version au piano-voix de l'Australienne Xara Fiasco. Elle était prédestinée à reprendre le loser. Time of chimpanzees, it was a monkey butane in my veins, and I'm out to cut the junkie with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put them in neutral, stock car flaming with the loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D, I got a couple of couches to sleep on the love seat. Someone come in saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on your shirt. oh. Don't believe everything that you breathe. You got a parking violation and a maggot on your scissor. Shave your face with some ace in the dark. Saving all your food stamps, setting down the trailer park. Yo, oh, oh. Cut it, I cut it, I cut it, I cut it. Do, do, do, do, soy. Oh, do, do, do, do. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Soy. Soy, oh, do, do, do, do. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Forces of evil on a bozo nightmare. Ban all the music in the phony gas chamber. Cause one's got a weasel and another's got a flag. One's on a pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap by the folks sing a slob. He hung himself with a guitar string. A slap of turkey neck and it sang him from a pigeon wing. You can't write if you can't relate. Trade the cash for the beef, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a toilet. It's choking on the splinters. So, I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Get crazy with the cheese whiz. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive by body peels. I'm a driver, I'm a window, I'm a driver, I'm a window. So I undo that to do. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Maintenant, c'est une version d'Asian Kung Fu Generation, un groupe de rock japonais. Rock singer, no demand 博士のジョークを切り落とす手をギタースリー七面鳥の口出しに乗るガソリン現ナマで金銭トレードするビーフから勇気ある悲しみたちを固めろイカサマワックスそれで誰だ息もできないのはそうや Voilà, c'est la fin de ce numéro. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @YannickDoc ou @82BPMPodcast. L'émission est dispo sur PodCloud, sur PodRadio, sur iTunes, sur YouTube. Et je vous laisse avec un live à Reading de 2003. À bientôt! Skulls, the beefcake family host. the headlights and blizzard illusion. Stock car flaming with the loser in the cruise control. Baby's in red and with the blood in my teeth. Got a couple of accounts to sleep on the love seat. Someone came saying I'm a saint to complain. Shotgun wearing in the stain on my son. Don't believe I'm beginning to breathe. If you have a pocket violation, maggot on your sleeve. Shave your face with some mace in the dark. But saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So I'm a loser, baby. So why don't you kill me? The music with the phony gas chamber. One is on the weasel and the other's on the flag. One is on the pulse and the other in the back. With the rerun shows, the cocaine nose job. All the crap with the false singer slob. Or hung himself with the guitar string. I slap a turkey neck and I hang up on my pigeon wing. But get right if you can relate. Did the cash for the beat, for the body, for the head. My time is a piece of wax. We're falling on the termite. It's choking on the splinters.